je ferai n'importe quoi. Pour te plaire, je ferai tes choix. Quand je t'ai rencontré, qu'on s'est croisé, mon cœur a figé. Pour te plaire, je t'aimerai. Pour te plaire, je t'adulerai. Non, rien ne m'arrêtera, tant je veux être avec toi. Retourne-toi, je t'en prie, regarde-moi. Je ferai n'importe quoi pour que tu sois avec moi. Pour te plaire, je changerai. Pour te plaire, je me transformerai. Je serai ce que tu veux. Mon âme est piégée dans tes yeux. Pour te plaire, j'évoluerai. Pour te plaire, je t'appartiendrai. En quelques secondes, ma vie a basculé dans un autre monde. Ton parfum de rose me métamorphose. Les fantasmes les plus beaux hantent mon cerveau. Pour te plaire, je danserai. Pour te plaire, je chanterai. La plus jolie des chansons composées avec mes sentiments. Pour te plaire, je t'emmènerai. Pour te plaire, je t'embrasserai. Nous partirons tous les deux dans un monde merveilleux. Rien ne m'empêchera d'être enfin avec toi. Même si le destin ne veut pas, je n'abandonnerai pas. Pour te plaire, je t'aimerai. Pour te plaire, je t'adulerai. Tu seras ma princesse, toi la déesse de mes rêves. Pour te plaire, je m'inclinerai. Pour te plaire, je t'inviterai. Oh, plus beau des voyages, avec l'amour comme paysage. Mais secondes sont passées, et t'as où tu as continué. Demain, peut-être tu reviendras, moi je reste à tout jamais là.